Chaque communauté, sa culture. Les padres, les rigolas. Claudicia. Robert Braza. Max Alain Gravel. Magali Woma, Nadège Toubiana, Chilève et Matou International, Chita, Matoko Mabe, Chita, Aïssa Tiam, Fatou, Gaïta Laza, les princes de Balthazar. DJ Merco, Yekia Badou, Cédric Kenyakovic, Kélor Katem, les clés de la ville, Joël Salami, Phil Montagnard, Messi Moukoula Sosa, Vital Kamer et les facilitateurs. Michel Moula, entrepreneur. Karine Kaya, femme d'affaires. Charlie Lapate, à l'école de sa génération. Outa Brown, Ngemewa. L'autre jeudi à matin.